Je t'attends au fond d'un parc, posé sur un banc. Je regarde les fleurs qui fanent, portées par le vent. Passe mes nuits sur des écrans à essayer de concilier ce monde et celui qui t'attend. J'espère y arriver. C'est vrai, j'ai besoin de te voir. C'est vrai. C'est possible que tes calculs soient en fait qu'une erreur. C'est vrai, j'ai besoin de te voir. C'est vrai que je vois du noir. C'est vrai que j'ai quand même. Que je passe devant un tableau noir, c'est autant.